Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à tous et tous. Dans le journal de l'histoire, une militante du FLN pendant la guerre d'Algérie. Elle s'appelle Louisette Iguilarize. Militante du FLN pendant la guerre d'Algérie, elle a transgressé un tabou en 2000 en racontant les viols répétés dont elle a fait l'objet en 1957 alors qu'elle était détenue dans un centre de parachutistes de l'armée française. Un témoignage aux conséquences lourdes qui a bousculé sa famille, mais aussi ses relations avec ses anciennes compagnes de lutte pour avoir dit ce qui ne devait pas l'être par un contrat de silence tacite vieux de plus de 40 ans. Florence Baugé, dans les pages du quotidien Le Monde, rappelle à quel point les violences sexuelles de la guerre d'Algérie restent un angle mort des recherches historiques, et ce, même si le témoignage de Louisette Iguilarize a fait l'effet d'une déflagration, selon l'historien Tramor Kemener. Si les langues se délient à bas bruit, seuls quelques hommes ont avoué à Louisette avoir subi les mêmes violences. La honte reste, et avec elle la difficulté de raconter l'agression sexuelle érigée en arme de guerre. Les archives restent muettes, la terreur psychique infligée par le viol n'a jamais été consignée comme une mesure de rétorsion répertoriée dans les ordres de l'état-major. L'avocate Gisèle Halimi, disparue en 2020, avait été parmi les premières à dénoncer ces viols que les combattantes du FLN, qu'elle défendait avec force, lui interdisaient d'aborder devant les tribunaux. Le viol était pourtant une pratique massive de l'armée française qui reposait sur le libre arbitre des chefs de section ou de compagnie. Des témoignages sont apparus très progressivement, la psychiatrie est devenue le réceptacle de ce qu'on ne pouvait pas aborder avec ses proches. Alice Cherki, psychiatre engagée et notamment aux côtés de Frantz Fanon pendant la guerre d'Algérie, appelle à favoriser la libération de la parole de celles et ceux qui restent. Filles et fils, parfois même petites filles et petits-fils, porteurs de ce silence qui les mine sans espoir de voir la douleur familiale révélée par les archives de guerre. Les victimes qui disparaissent au fil du temps et les viols de la guerre d'Algérie sont aussi masqués depuis les années 90 par d'autres commis au cours de la décennie noire, cette guerre civile au cours de laquelle la violence sexuelle faisait aussi régner sa terreur. Dans leur éditorial, les rédacteurs du dernier numéro de la revue Clio, intitulé « Abusé, forcé, violé », racontent comment les violences sexuelles en temps de guerre ont fait entrer tardivement les violences sexuelles tout court dans le champ de l'histoire dans les années 90, avec l'indignation des historiennes et des historiens face à d'autres guerres en ex-Yougoslavie et plus précisément en Bosnie-Herzégovine, où l'on voyait réapparaître en Europe ce type de violence et les traumatismes qui lui sont liés. Le viol en temps de guerre a été un premier pas parce qu'il a fini par être documenté et condamné pour sortir de la banalité dans laquelle il avait été jusque-là relégué, un premier pas sur le chemin de l'entrée du viol dans l'histoire.